Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Mafasidud Démocratie, les méfaits de la démocratie. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyya Bidamage, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكمل هذه الكلمة المختصرة في بيان هذا الفكر الخبيث الديمقراطية وفي الدرس السابق بينا ولله الحمد تعريف هذه الديمقراطية ونشأتها وأصولها وأقوال العلماء فيها وفي هذا اليوم نذكر بعض مفاسد هذا الفكر الخبيث مفاسد الديمقراطية أي لمفئ de la démocratie. Al-awwal min mafasid hadha al-fikr annaha fathun li bab ar-ridda 'ala al-muslimin. Wa hadha min a'zam ash-shurur. Bi da'wa hurriyat ad-din wa al-i'tiqad. Fa taqaddam ma'ana fi usul الديمقراطية الحرية حرية الشخصية وحرية الرأي حتى حرية الدين فعندهم la personne il est libre de choisir son din وهذا سينفتح لباب الردة واضح أي la personne s'il est مسلم il a le droit de choisir un autre din هذا خطير جدا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى لا montre أنه سبب الخسران et هؤلاء il te montre que c'est la liberté وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فالمسلم لا يحر في هذا أبدا بل لمأمور باتباع هذا الدين قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فتأمل هذا الضرر العريض الآن أن بدعوى الحرية La personne choisit le din qu'il veut. Il est libre. وتقدمت الأدلة أن celui qui change son din قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. أي le gouverneur هذا il doit l'exécuter. لأنه c'est un مجرم. من المفاسد كذلك الإعراض عن القرآن والسنة. Parmi les méfaits de la démocratie كذلك c'est un فتح باب. أن المسلمين يدلس الكتاب والسنة كذلك بدعوة الحرية حرية الفكر على liberté de penser t'es pas obligé de suivre ce Coran et cette Sunna والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا celui qui désobéit à Allah et à son prophète, faqad dhalla dhalalan mubin. Il s'est égaré, un égarement wadih. Amma haoula la, indahum. Indahum, t'es libre. Si tu suis le Coran ou le Sunnah, t'es libre. Et c'est des kadhaboun, yuharibun al-kitab ou le Sunnah. Les amna indahum, comme ça y a-t-il, t'appliques le Coran ou le Sunnah, c'est que t'es arriéré. Comment ça y a-t-il ? Fahoum, ils font tout pour t'égarer, mais il y a le Coran et le Sunnah, hatta tu deviens libre pour eux. Amma inda Allah subhanahu wa ta'ala, fa c'est du dhalal mubin. Kadhalik min al-mafasid, et ça suit la mafsada précédente, isqat al-hudud al-shar'iyya. Parmi les méfaits de la démocratie, anna. Leur but, c'est que les musulmans, ils n'appliquent plus al-hudud. Al-hudud al-shar'iyya, ka rajm, al-zani, al-muhsan, wa qat' yad al-sariq, wa qatl al-murtad. Tout ça, c'est des hudud. Shara'ah Allah subhanahu wa ta'ala, li'ibadih. عند الديمقراطيين هذا من الوحشية وحشية زعموا عندهم تأخر هذا سيجي كفر بالله عز وجل celui qui pense أن الحدود الشرعية c'est de l'arrièrement أو وحشية c'est de la sauvagerie كما يقولون هذا كفر بالله يا رب العالمين لأن يطعن في كتاب الله ويطعن في رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون هذه القصاص في الحقيقة سحياء ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حقيقة الله سبحانه وتعالى الشرع هذه الحدود سي ان بيان pour les musulmans. في الحقيقة هذه الحدود البريزيرف أموال المسلمين وأعراض المسلمين وحياة المسلمين. فتو تروف البلدان كي أبليك هذه الحدود tu trouves أنهم يسون في أمن وأمان. لأن هذه الحدود المجرم qui vit dans un bilad ou qui a les hudud il pourra pas se permettre certaines choses abadan. Il sait que s'il fait zina il se fait fouetter s'il a jamais été marié. S'il était marié, il se fait lapider. Il le sait. Hein. Il sait que s'il vole, il peut se faire couper la main. Il sait que s'il tue, il va se faire tuer. Là, chaque ça met une barrière. Wa min hadha al-bab, tu comprends الفوضى التي يعيشها بلاد الغرب ومن تأثر ببلاد الغرب لأنهم يزبلوا هذا المانع أي الحدود الشرعية فتدخل هذا يزني هذا يسرق هذا يظلم هذا يزبلوا سلوى أبدا يزون inventé des autres lois et ça aura jamais le même effet que القرآن الكريم أبدا. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال شريعة الله موجودة في الكتاب كذلك في السنة أنزلها كاملة إذا شرعنا تشريعا مخالفا لشريعة الله معنى ذلك لم نرضى بشريعة الله الآن لكن شكو سبوز لماذا لديمقراطي فونتو pour changer cette sharia لماذا لأن لا شك que si tu changes une chose c'est que t'aimes pas cette chose ou tu crois qu'il y a une chose meilleure amma ça serait un bien et t'as la conviction que c'est un bien t'as pas à le changer هكذا عقيدة المسلم نحن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى il l'a descendu كاملا c'est une sharia كامله t'as pas besoin de rajouter ou non tu fais ce que tu peux فاتقوا الله ما استطعتم amma changer ça montre عدم الرضا. Et celui qui n'est pas radi an al-sharia, yakfur billahi azza wa jal. Ces points qu'on cite là, c'est du kufr wadih. C'est du kufr wadih. La démocratie, elle appelle à ce coffre Layl wa Nahar. من المفاسد كذلك محاربة عقيدة الولاء والبراء أن هذه الديمقراطية تحارب عقيدة المسلمين خاصة الولاء والبراء كذلك بدعوى الحرية والأخوة واحترام الآخر فهم يحارب الولاء والبراء اي لفدمي بوغ الله اي ديتستي بوغ الله يحارب هذا لماذا لان parmi les اصول on est tous égaux لماذا tu vas le détester parmi les اصول il faut respecter l'autre فلماذا tu vas le détester اما نحن ولله الحمد on est des musulmans et on a un kitab on a une sunna الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تبلغوا والولي c'est une personne que tu aimes et tu vas t'entraider avec lui المحبة والنصرة فالله سبحانه وتعالى nous a interdit هذا cet amour et cette entraide avec les يهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أولا comment أنت tu veux les prendre comme alliés et Al-Yahoud ou Al-Nasara c'est des alliés entre eux, ils te combattent et ils te détestent comme Anta tu vas prétendre à un homme c'est tes frères un homme tu veux t'entraider avec eux كذلك الديمقراطية elle est venue من هؤلاء من اليهود ومن النصارى قال عز وجل ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا الله سبحانه وتعالى يتمطخ لحكم ومن يتولهم أي celui qui les prend pour alliés il fait partie d'eux قال عيسى السلام من تشبه بقوم فهو منهم فهذه الديمقراطية الآن elle appelle à هذا elle appelle à هذا elle combat هذا الولاء والبراء فلهذا il déteste هم Si tu critiques les Yahoud, tu critiques le Nasara, tu critiques la démocratie, la laïcité, ils détestent ça. Alors que nous, ça fait partie de notre aqida. Al-hubbu fillah ou al-bughdu fillah. Kadhalik, ils ont instauré ce qu'on appelle wahdatul adyan. Al-da'wa ila wahdatul adyan. Hada, c'est min muharabat. من محاربة عقيدة الولاء والبراء أي l'unification des religions vous avez tous le même din vous avez tous le même رب اليهودي t'es pas meilleur que المسلم المسلم t'es pas meilleur que اليهودي هذا c'est من الضلال المبين وحدة الأديان هذه بنفسها c'est du كفر بالله عز وجل Inch'Allah, on fera une kalima détaillée à هذا الفكر الخبيث وحدة الأديان. من المفاسد كذلك parmi les méfaits de la démocratie كذلك الاعتماد على الأكثرية الهمدية بدون كتاب ولا سنة. Cette démocratie elle est fondée sur الأكثرية أي la majorité. Que cette majorité elle soit صالحة ou مفسدة. كذلك il délaisse le kitab et le sunna comme on a vu auparavant et ils ont instauré كذلك من هذا الباب الانتخابات الطاغوتية ils ont instauré le système électoral أن للوى ça vient plus de le kitab et le sunna ça vient plus de un kitab منزل من الله رب العالمين لا Les lois, l'an, indahum, c'est un système électoral. Comme on a expliqué au début de la kalima, il y a une mas'ala. Imma, ils demandent au peuple, imma, les députés, al-muhim, ils font des élections, et la majorité, elle l'emporte. Hada, c'est une mafsad azima. L'an Allah, subhanahu wa ta'ala, il a montré, أن الأكثرية أي لا ماجوريتي أي لا فورسيمون على الحق أبدا قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله si tu suis la majorité des gens, ils vont t'égarer. La majorité des gens, c'est des ignorants. La majorité des gens, c'est des kuffars. Les musulmans, ils sont une minorité. La majorité, ils sont à la djahl. Il y a beaucoup de groupes égarés. Comment tu vas suivre un tas cette majorité? قال الله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الآية الأخرى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فعجيب سميزان كيزو انفنتي عجيب كذلك كما سيأتي on va montrer هذا أن si la majorité à la 51% مثلا qu'est-ce qu'on fait des 49% ils ont pas de حق. Europama, c'est eux qui ont raison. Europama, leur avis est plus proche de la vérité. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces 49%? Ils ont plus de haqq. Ces élections, c'est du dhulm, comme tu le sais. Et kadhalik, hatta ce pourcentage, la tardar, c'est du kadhib. Les élections, aksaruha, c'est mabni ala rishwa. Hatta ces chiffres, c'est du kadhib. Qui c'est qui a vérifié? En un jour, tu as vérifié chaque membre de la population, qu'est-ce qu'il pense? أبدا les comptages هذه كما تعلمون لا تسلم من الغش. Comment tu vas faire confiance à des kuffars? خاصتان ils sont assoiffés du kursi, du pouvoir. Il fera tout pour avoir le plus de voix. Tout من كذب وغش وتخايزون tous les moyens ils sont bons. والعياذ بالله n'oublie pas يا المسلم أن هؤلاء ils ont un مبدأ. La fin justifie les moyens. Il est capable de tout. Il est capable de tout pour que son parti il arrive au pouvoir. فعجيب أن بعض الغافلين من المسلمين il va et il vote. Et il croit que sa voix a un poids. Un مسكين هذا. هذا اغتر بالكفار. قال العلامة أحمد ابن يحيى النجمي عليه رحمة الله. قال إن من الاغترار بالأكثر أو الكثرة ما يسمى بالانتخابات أو الاقتراع أو ما أشبه ذلك فمن حاز أصواتا كثيرة كان هو المقدم حتى لو كان من أفجر الناس هذا celui qui a le plus de voix que ça soit un homme, que ça soit une pensée, que ça soit un parti c'est lui qui passe ولو c'est من أفجر الناس الآن tu trouves عند بلال الكف. Il y a des représentants, des responsables, c'est un lanté. Obama, c'est le maire d'une ville. Obama, c'est un président. C'est un lanté. C'est un mujrim. Et c'est devenu un responsable. C'est lui qui va te dire, fais kada ou fais kada. Et c'est un lanté, un mujrim, un kafir, tariq salat. Il ne croit pas en Allah, Rabbil Alamin. Tout ça, les mazas, les anna, ils ont ouvert un fatah al-bab. Vu que l'akhtar, il y a c'est des mujrim. Fait belad al-gharb. La majorité, c'est des mujrimoun. Ça va être quoi le résultat? Ils vont élire qui? Un salih? Abadan. Qala wa hadhi tariqat al-kuffar allati yasiruna 'alayha fi intikhabatihim li ri'asat ad-dawla aw li ghayri dhalik. Na'am. Hadi al-an c'est le système qu'ils ont instauré hada. Hada c'est pas le plus pieux. Celui qui a le plus de ilm. Abadan. C'est ils ont fondé leur système à l'aksariya, la majorité. Celui qui a le plus de voix, il passe. Kain al-mankan, un homme, une femme, un aql ou il n'a pas d'aql, al-muhim, celui qui a les voix et il passe. Wal-iyadu billah. Kadhalik, les élections, on avait fait une kalima. Ceux qui étaient là, on avait détaillé, anna ce système, c'est un système de kafir. Et la yajouz abadan de participer à ces élections. On a fait une kalima fi hada walillahi alhamd wal minna. Parmi les mafasid kadhalik tamkin al kuffar min al wilaya ala al muslimin. Et ça suit la mafsada précédente, le méfait d'avant. Aïe, ce système électoral al-an, Europama, si la majorité vote pour un kafir était dans un pays musulman. Ce kafir il aura le pouvoir sur le muslimin. Ça c'est interdit de l'islam. Un kafir il gouverne des muslimins. C'est fait le bab. Ou une femme. Une femme, la yajouz, elle gouverne des hommes. La yajouz. Hadith Abi Bakr, elle est ma'rouf. الانتخابات الآن الزبر هذا الباب والله سبحانه وتعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا كافر إلى الدسو sur des مؤمنين des millions de مؤمن ils font الصلاة ils font الحج ils donnent زكاة ils font رمضان ils prononcent la شهادة. Ils aiment son, le prophète alayhi wa sallam. Et un musulman, yahoudi, un nasrani, un athée, il les gouverne. Amma le système démocratique, n'am. Le système démocratique, n'am. Si l'actaria, elle vote ce kafir, enfin, ou dans un pays musulman, c'est lui, ça devient le gouverneur. Comme ils ont essayé de faire dans certains pays musulmans. كذلك من المفاسد parmi les méfaits de la démocratie كذلك سقوط مكانة أهل العلم والخير والصلاح في المجتمع أي avec cette démocratie t'auras plus يعني cette différence فلان c'est un savant فلان c'est un ignorant فلان c'est un homme pieux فلان c'est un pervers un مجرم لا لأن هذه الديمقراطية elle est fondée sur l'égalité. Et Adam, tu le vois dans leurs élections. Maintenant, un savant, il n'aura pas la même vision qu'un ignorant. Là, dans les élections, le savant, s'il vote, il a une voix, et l'ignorant, il a une voix. Ça te montre qu'il ne donne aucun miqdar au ilm. À l'ilm al-shara'i. Fali hada, min usulihim al-musawa. Qala Allah ta'ala, wa law radduh إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله سبحانه وتعالى dans ce verset il dit que tu reviens au savant ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء هذا si tu veux comprendre les choses كيف ce savant il a fait des années d'études ويتعلم et Allah il lui a donné une bonne compréhension on le délaisse et on est tous égaux abadan. C'est pour ça al-kuffar wa hatta alladhina ta'atharu bil-kuffar hatta min al-muslimin ils ont été touchés par cette maladie la démocratie tu le trouves il donne aucun miqdar à ahl al-ilm aucun miqdar il va te dire c'est un homme et moi je suis un homme il va te dire il a un avis j'ai un avis. Là, son avis est fondé sur le kitab ou le sunnah, tu es obligé de le prendre. Ton avis est fondé sur le hawa, tu es obligé de le délaisser. C'est ça le dîn. Lakin akthar an-nas la ya'lamoun. Kadhalik, eux, ils prônent, ils appellent à cette égalité et c'est des kadhab. Prends l'exemple de Rasoul alayhi salatu wassalam. أعلم الناس بالله عز وجل وأعلم الناس بشريعة الله عز وجل وأحب الخلق إلى الله سخالير الرحمن لا ديمقراطية لتوغيز دو سموكي les caricatures qu'ils ont fait les moqueries qu'ils ont fait sur le prophète عليه الصلاة والسلام la démocratie la personne il a le droit لأنه il est libre ولو يسموك d'une personne des millions de muslims ils suivent et ils l'aiment pour eux il a le droit de se moquer ولو il fait du mal à هؤلاء فَلِيَذَا وَعَدْ النَّاسِ ils se retrouvaient bloqués. Si tu condamnes, il te dit liberté d'expression. لِيَنَّا il est parti avec eux dans ce fikr. Al-An, il leur dit là, le prophète, ça va trop loin, vous n'avez pas à l'insulter. Il lui répond simplement liberté d'expression, on est tous égaux. Enfin, lui, il a le droit de se moquer de lui, lui, il a le droit de se moquer de lui. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ est-ce que l'islam, Al-An, elle accepte هذا مَنْ رَدِيَا مَنْ رَدِيَا باستهزاء الرسول او الطعن في الرسول سان كافر بالله عز وجل لان انت obligé d'aimer et de respecter كيف tu témoignes ان محمد رسول الله et après t'autorises ce rasoul que tu témoignes t'autorises qu'on se moque de lui ايها المسلم لا تغتر لا تغتر cette démocratie c'est un tagout c'est un kufr واضح عجيب بعض المسلمين عجيب il prétend être un démocrate musulman صلى الله عليه وسلم. Il sait pas que c'est un dhal من المسلمين. S'il reste musulman. من المفاسد كذلك من المفاسد كذلك انتشار المعاصي والفواحش والمنكرات. Ce système démocratique, ça permet de propager Al-Munkarat. Les Anna Ha'ula, ils n'ont plus le mizan. Ça c'est halal, ça c'est haram. Abadan. Bel, ils ont un fondement Al-Hurriya, t'es libre. Tu veux boire de l'alcool, t'es libre. Tu veux faire zina, t'es libre. Tu veux faire les wad, t'es libre. Wal-iyadu billah. Ou maintenant, tu prends l'alcool maintenant, eux ils l'autorisent. Il y en a la démocratie, t'as pas le droit d'interdire ce genre de choses. La personne est libre, il veut boire. Tu les trouves, ça leur fait beaucoup de problèmes. Fidjanib akhar. Par rapport aux problèmes qu'ils ont sur les routes avec les alcooliques, ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus. Maintenant, tu es libre. Même tu bois. Si tu prends le volant, tu fais comment? Ça leur cause des milliers de morts par an. Amma shari'atullahi azza wa jal, al-khamr fihi darar azim. Min al-muskirat, tu perds la raison. Al-shari'a, elle nous l'a interdit aslan. T'as pas le droit de boire de l'alcool. Ça va faire du mal. Al-haqiqa, c'est pour ton bien. Al-zina kadhalik. Kam l'an min awlad al-zina fi l'gharb. Wallahi, kathir, kama ta'alamun min al-awlad fi l'gharb. Tellement que Zina est propagé, lui il sait plus que c'est qui son père. Ah ben, ça s'est mélangé. Hada il est à la tasse, Hada il est au foyer. Ils ont plus ce qu'on appelle la famille. Ah ben, c'est tout mélangé. Bel, ils ont atteint un niveau. Al-Mujrimoun, qatalahumullah, annahum l'an. Ils autorisent, ou ils veulent autoriser Al-Rajul yatazawaj bil-Rajul. Sauf à la Hijra. Une chose qui contredit le fitra. Qui contredit l'aql, qui contredit le Coran et le Sunnah. Tout ça, عندهم, là, la démocratie, les Anna, ils ont le même tête, t'es libre. Enfin, il veut se marier avec un homme, il est libre. Alors que la hâte le kuffar, qu'est-ce kuffar, ils sont contre ça. Il y a des juifs, des chrétiens, ils sont contre l'homosexualité. Lakin, la démocratie, la tarotie. Allahu alam, cet enfant, al-musiba, annahum, ils se marient et ils veulent leur donner le droit de l'adoption. Allahu alam, cet enfant, comment il va grandir? Al-muskin, il est madloum. Lakin, il vit dans cette démocratie al-mujrima. Kadhalik, il prétend hurriyat al-mar'a. La taghtar kadhalik, c'est du kadhib. La démocratie, beaucoup et souvent, ils appellent au droit de la femme. Et c'est du kadib. Wallahi, c'est du kadib. Zalamouha achad d'zolm, cette mar'a. Ils s'en servent, hum. Falihada, ha'oula, ils détestent voir une femme bil hijab al-shar'i. Tout, mais montre-lui pas une sœur avec le hijab al-shar'i. Limada, les anoum, c'est des mufsidoun, ashab shahawad. Lui, ce qu'il veut, c'est voir, faqat. Il veut profiter, il est un matta. Les femmes, fil gharb, kafir minhun, c'est des objets. C'est des objets. Wal'iyadu billah. Amma al-mar'a al-muslima, elle a des hukouk, c'est fi baytiha. Elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses enfants. Si elle n'est pas mariée, elle s'occupe de son père, de ses frères. Et eux, ils s'occupent d'elle. Hatta elle se marie, elle fait sa vie. Elle est mukarrama mu'azzaza. Elle a une famille, elle a un but. Elle a un but, c'est mardat rabbil alamin. Et le prophète sallam, il lui a montré son mode de vie. Voilà, tartar. Et j'ai dit, hurriya, elle est fiche chawari. Rubama, elle se fait violer. Rubama, wal'iyadu billah. Ta'alamoun, qu'est-ce qu'ils font? Ma'al mar'a. Elle est où cette hurriya? Ou elle a un travail, elle n'arrive plus à suivre, c'est trop dur. C'est une mar'a, miskina da'iva. Ils lui ont enlevé ses droits. Al-Meskina, elle pense qu'elle avance. Wal'iyadu billah. Min al-mafasid kadhalik, anna al-démocratie tad'u ila al-furqa wal-hizbiyat. Al-démocratie tad'u ila hada. Ay, les partis, comme ils appellent ça. Tu trouves l'un dans les pays démocratiques, il y a plusieurs partis. Des partis de gauche, des partis de droite. Et dans la droite, il y a plusieurs partis. Dans la gauche, il y a plusieurs partis. Il y a des partis du centre. Il y a tout ça. Chaque parti combat l'autre. Wala takunu min al-mushrikin, min al-ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah il a montré ce darab. Attends, y a plusieurs parties, chaque partie combat l'autre. Et ça divise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit à ça, nous. Là, nous, on est une umma. On a le même Rabb. On a le même kitab, on a le même rasoul. On n'a pas le droit de se diviser. Ah, madame, si on n'est pas d'accord, فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي جَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si on n'est pas d'accord, لأن ça arrive, on ne fait pas deux parties. Ah, madame, on revient au Coran et la Sunna, et al-hukm, il est fait le kitab au Sunna. Et on revient tous à ce hukm. Amma al-kuffar, là. Le système démocratique, là, chacun il a son parti. Et chacun combat l'autre. Et chacun, il veut le pouvoir. قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Et dans l'autre ayah, فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. C'est une أمة. الأمة الإسلامية. Une. وأنا ربكم فاعبدون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre Rabb, on l'adore tous. Et son prophète, c'est notre rasoul, on le suit tous. La yajouz, ce tafarruq. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré anna ces groupes yastahiqoun annar. Qala Isa sallallahu alayhi wa sallam, sataftariq hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi annar illa wahida. Sauf ceux qui sont revenus au kitab et à la sunna. Amma, faire un reparti pour ton idée, ou pour ton chef, ou pour ton imam, ou pour ta pensée, ou... Non, c'est tout ça. T'es un musulman, t'as une charia. Mais la démocratie, elle appelle à ça. Pour faire un parti politique en démocratie, c'est très simple. Fait l'islam, c'est haram. T'as pas le droit. Tu suis al-kitab et al-sunna. Les anna, si tu suis pas al-kitab et al-sunna, c'est que la tarda, t'as besoin d'une autre chose. Et c'est ça le kouf. L'anna, t'es un abd, t'es un musulman. Tu dois te soumettre. Allez où la soumission l'âme? Tu trouves un musulman, il délaisse sharia, il délaisse tu vas rasoul, il délaisse tawhid, il délaisse. Min aïn, t'es un musulman. Allez où cette soumission? Tu prétends, t'es soumis à quoi? T'es manipulé, t'es un miskin. T'es manipulé par cette démocratie. Min al-mafasid kadhalik. C'est mafsada azima. Bilad. Au Buldan, les musulmans, ils l'ont vécu ces dernières années. وهي زعزعة الأمن. زعزعة الأمن. Il n'y a plus de... À cause de cette démocratie, il n'y a plus de calme, il n'y a plus de paix dans Buldan, les musulmans. Ta'lamouna, on a ces dernières années, Al-Kuffar, ils ont harbé les musulmans de هذا الفكر. Vous les musulmans, vous êtes opprimés par vos gouverneurs. Vous n'avez pas la démocratie. Voilà aussi vos gouverneurs, ils prétendent la démocratie, ils ne l'appliquent pas. Al-Kufa, ils ont fait hada al-bab. Ils ont financé des groupes. Des prêcheurs égarés les ont aidés, kadhalik. Et ils ont fait la révolution qu'on a connue ces les deux dernières années. Ils sont sortis à l'al-hukam dans quatre mille al-buldan al-muslimin il y a l'yom et ta'lamoun ce qui s'est passé, des milliers de morts, des enfants, des femmes, des vieux, des jeunes, il y a eu des milliers de morts. Al-an, il est où le résultat? Il est où? C'est la même chose. Certains pays où il y a eu ces révolutions, la révolution elle s'est finie. Al-an, c'est la même chose, ils redemandent que Fulani part. Et Al-Kuffar, c'est des spectateurs. Alors que leurs dirigeants, c'est des kuffars, c'est des mujrimoun, c'est des dictateurs. Lakin, eux, là, il ne faut pas que ça touche leur pays. Là. Eux, ils patientent à Al-Kuffar wa Dhalal. Amma al-Muslimoun al-Masakin, ils ont été manipulés et ils croient vraiment que c'est la solution. C'est pour ça que tu le trouves, il va jusqu'au bout. T'as remarqué là? Al-Kafir, il y a une manifestation, il y va. Il voit les CRS, il fait demi-tour. Aqida, il fait ça, il essaye de s'il y a moyen de gratter quelque chose mais la dunya, s'il n'y a pas moyen, il rentre chez lui. Nous, les musulmans, c'est un miskin. Ils lui ont mis cette conviction, c'est ça le din. Tu dois enlever ta route. Enfin, tu lui mets les CRS, des chars, des avions, ils foncent. Alors, ils croient que c'est Mimbab Shahada. Ah, les djuhal, les masakin, ils sont manipulés. Ah, les musulmans. Lakin, la bout. Tu comprends Al-Darar, la démocratie, c'est pas la solution. Abadan. La solution, c'est fait qu'on l'a azzawajal, ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah, ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. C'est ça la solution. C'est t'obéir à Allah, t'obéir à ton prophète et t'obéir à ton gouverneur. Tant qu'il ne t'impose pas une ma'asiyah. Amma, si t'ordonnes de faire une ma'asiyah, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف c'est ça la solution. الآن si ce gouverneur il t'opprime, il te fait de l'injustice ou il t'ordonne de faire des munkarat, c'est quoi la solution ayyuha al-muslim? C'est pas la démocratie abadan. والله la solution c'est pas te révolter contre lui abadan. Abadan, ça va faire un vin de sang. Il va continuer d'opprimer et il va y avoir des milliers de morts. Enfin, on va de pire en pire. La solution, c'est Hadith Abdullah ibn Umar. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal ala al mar'a al muslim as-sam'i wa at-ta'a fima ahab wa kariha illa an yu'mar bi ma'asiyah. C'est ça la solution. Fima ahab wa kariha. Tu obéis à ce gouverneur dans ce que tu aimes et ce que tu détestes. Lana, il peut t'imposer une chose, c'est pas une ma'asiyah, mais toi, tu n'aimes pas. Tasbir. Tasbir. Si il t'en donne une mazia, abadan tu l'écoutes. Lakin ça implique pas que tu te révoltes. Là, la yajouz, la révolution c'est haram fait l'islam. C'est haram contre un gouverneur musulman. C'est haram. Kadhalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré annaka tasbir. Tasbir alay. Sur ce gouverneur tu patientes. Walaw akhadha malak. Même s'il prend ton argent, tasbir. Wa daraba aw fi lafd jalada dhahrak. Tasbir, je suis patient. Le prophète sallam il a dit voilà où il prend ton argent et il te fouette le dos. Je suis patient. C'est ça l'islam. L'islam se fonde sur la patience. Ça ne veut pas dire que le musulman n'est pas capable de sortir. Le fait de se révolter, wallah, c'est la chose la plus simple. Tu suis tes patients, tu vas te révolter. Et la colère. Laquelle l'islam elle te montre patiente. Léna, si tu patientes sur ce gouverneur, Rubbama, les choses elles vont changer petit à petit. Amma te révolter, c'est quoi la solution? Al-An, ils se sont révoltés dans les pays musulmans. Ils ont enlevé ces soi-disant dictateurs. Ils leur ont mis quoi? C'est qui l'A? Al-An, c'est Fawda. Hada et Tuada. Il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des pillages. Léna, il n'y a plus ce gouverneur qui maîtrisait au moins le calme. Même s'il faisait de l'injustice, au moins il y avait un bienfait, c'est le calme. T'es en sécurité. Et il y avait des injustices, personne ne les renie. Là, quel est le système démocratique à Anna? Tu te révoltes. Sauf contre eux. Va faire une révolution contre le kuffar et tu verras. Il l'élimine au départ, homme. Ça montre ضعف العقيدة. Ils auraient étudié leur عقيدة, ils sauraient la position du musulman face au gouverneur. Ils sauraient. لكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه بعض المفاسد. Il y en a des autres. لكن on a essayé de résumer. هذه بعض المفاسد. المفاسد الديمقراطية. Et il y en a des autres. قال العلامة الشيخ ربيع ابن الهادي حفظه الله قال والديمقراطية وما تفرع عنها تمزق الأمة وتغرس في نفوس الأحزاب والأفراد العداوة والبغضاء. والله سيتي cette مفسدة أن cette ديمقراطية تمزق الأمة. Elle détruit cette أمة. لأن cette أمة elle a des savants. La démocratie, la démocratie, elle te montre que ces savants, ils n'ont pas un grand poids. Tu es égal à eux. Il n'a pas le droit de t'imposer son avis. Voilà aussi les fondés sur le Kitab Sunna. Kadhalik, cette umma, elle est dirigée par des gouverneurs. La démocratie, elle ne donne aucun poids aux gouverneurs. Belle, si vous n'êtes plus d'accord, enlevez-le. Révolution. Ça a donné résultat de quoi? Al-Fawda. Des meurtres, des viols, des pillages. C'est ça, leur démocratie. Tu prends l'âne. المملكة العربية السعودية حرسها الله. Ils appliquent la charia. Est-ce qu'ils ont été touchés par cette révolution? أبدا. لأن ils ont été éduqués à la ta'at ولي الأمر. Les kuffar ils font tout pour leur enlever ce amn, cette sécurité qu'ils ont. لكن هم الآن ils sont en sécurité في بلادهم. Ils ont un gouverneur. Si une erreur est patient, ils se conseillent. Ils ont des savants. Ils appliquent la charia. الآن t'as déjà entendu une manifestation avec des milliers de morts, des pillages. Oh, abadan. Abadan. Tu vois les pays de musulmans, soi-disant ils appliquent la démocratie, Ta'ammal, qu'est-ce qui s'est passé? Ta'ammal. Wallah, hatta ba'dhum, ils ont regretté. Mais c'est trop tard, t'es rentré dans le fitna. Qala, hafidhahullah, qala ila janib tadbir, ou tabdhir al-amwal al-ta'ila, li kasb al-aswat, wal-i'lanat al-muzayyafa, القائمة على الكذب وفساد الأخلاق وتخريب الذمم. كذلك ce système démocratique c'est du mensonge. Des élections c'est il y a de la corruption. كذلك les slogans t'envoies partout, on va faire kada, on va faire kada, c'est que du kadib, c'est toujours la même chose. Bel ça s'empire. لماذا؟ لأن ils ont délaissé شريعة الله عز وجل. قال حفظه الله ولهذا يسعى اليهود والنصارى وعلى رأسهم أمريكا قال فرض هذه الديمقراطية إلى أن قال وحقوق المرأة المزعومة على الأمة الإسلامية المصيبة أن هؤلاء الكفار إلا بوز الآن أنت تجفي دون بي فولي باست ديمقراطية ست دي مسلمين أن تسرى أمبوزي La liberté, il n'y a plus tout ça. Ils te l'imposent, tu les suis, et après, tu es comme eux. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ Leur mille à l'âne, c'est la démocratie. Ils n'ont plus de dîne. Enfin, ils ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives cette démocratie. فَلِهَذَا, vous avez remarqué, tu as le droit de tout critiquer. Critique l'islam, critique le rasoul, critique les chrétiens, critique l'église. لكن, critique la démocratie et tu verras. Ils accepteront jamais. أبداً. لِأَنَّا, c'est devenu leur dîne, leur mille. Comme toi, ayo al-muslim, t'acceptes pas qu'on critique Allah et son prophète et le Coran, eux, kadhalik, leur dîne, c'est la démocratie, t'as pas le droit. En fait, la haqiqa, l'an, c'est un harb entre l'islam et la démocratie. Amma al-yahoudia wa al-nasraniya, c'est que des noms, l'an. Ils l'ont remplacé par ce fikr khabith. Qala, wa la yujad al-adl illa fi shar'illah, la fi démocratie wa la fi ghayriha. Kadhalik, ils prétendent que cette démocratie, c'est la justice. Hatta ils s'autorisent à faire des guerres, des milliers de morts, des pillages, aille pour libérer ce peuple opprimé. Bi'is al-démocratie. Il fait cette guerre et des morts pour cette démocratie. T'as dit. Qala Allahu Azza wa Jal, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ayyuha al-muslim, si tu veux l'adl, aille la justice. Wal ihsan. C'est le Coran et le Sunnah. Wala taghtar bil kuffar. Wallah, ils appellent qu'à des profits de dunya pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont gagner que l'Afrique, maintenant, ça devienne démocratie? L'Afrique, ils l'ont pillé il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont gagner le Maghreb, les pays musulmans, ça devient démocratie? Et ils aiment tellement le khayr pour les musulmans. Ils aimeraient le khayr, ils ne les auraient pas colonisés pendant des années. Lakin, ils veulent leur imposer cette démocratie, hatta le peuple, il les suit. Tu peux plus les détester, villa. Tu peux plus parler de jihad, abadan. Abadan. C'est ce qu'ils veulent, homme. C'est ce qu'ils veulent. T'es en dessous d'eux, la basse. Si t'es comme eux au-dessus d'eux, ils accepteront jamais. A'da Allah. Amma, mas'alat, al-démocratie wa al-shura. On avait répondu à cette choubhavi à l'intikhabat de l'islam, la kalima qu'on avait fait. Lakin, la bas, on répète kalam Cheikh Mokbel. Annahoum, ils ont une choubha. Ba'ad al-nas fi hada. Anna al-démocratie, c'est shura. Al-shura. Al-shura, kama qala Azza wa Jal. Wa amruhum shura baynahum. Al-shura, c'est la consultation. Comme il a fait Omar, radiyallahu an, avant de mourir. Il a désigné six compagnons du prophète sallam, Ali wa Uthman wa Talha wa Zubayr ila akhirih, et ils ont fait une shura et ils se sont consultés pour voir ce qui va gouverner le muslimin. Fabad al-juhal min al-muslimin, ils pensent que shura c'est la démocratie. Fawa la démocratie, tu l'expliques par shura. Amma shura c'est autre chose. Comme on va voir, la démocratie elle est fondée sur al-kufr wa al-dhalal. La shura là, elle est fondée sur le kitab ou le sunnah. Isma, kalam al-shiqh mukbil, rahimahullah, qala, ils lui ont demandé, hal al-shura al-islamiyya tushbih al-démocratie? Est-ce que la shura al-islamiyya, et la consultation avec l'islam, c'est la démocratie? Qala, rahimahullah, al-shura, hiya an tajtami' majmou'a min ahl al-hal wal-aqd, min al-ulama, wa min dhawi al-khibra, wa al-siyasa, wa humu al-ladhina yudiruna ahwal al-nas ala nahj al-kitab wa al-sunnah. كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الشيخ مقبل يتمطق أن الشورى elle est fondée sur هذا. On consulte les savants, les personnes, maintenant les chefs de قبائل. هؤلاء sont consultés. Pas tout le peuple. Pas tout le peuple. أبدا. Maintenant la شورى à l'époque de Omar, elle se fait 6 personnes. Alors qu'il y avait des milliers de musulmans. Amma la démocratie, là. La démocratie s'est fondée sur ce qu'ils appellent le suffrage universel. Tout le monde vote et la majorité, elle l'emporte. Enfin, est-ce que c'est pareil ? Ah, ben donne. Qala. Qala, fal qasd annahum yarji'una ila al-kitab wa-sunna bi khilaf al-démocratiyin. Fa innahum yarji'una ila al-aktariyya. والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما la démocratie s'est fondée sur la majorité. فهي une énorme différence incomparable. لكن بعض الناس يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إلى آخر كلام شيخ مقبل راجع لكلمة كنا في sur les élections. On avait détaillé هذا en détail. الخاتمة. On conclut avec la parole de certains kuffar. لأن لا تظن والله حتى بعض الكفار ils sont contre cette démocratie, c'est des kuffar هم. نحن on va citer leur kalam pour te montrer أن même des kuffar ils ont vu ces méfaits, que cette démocratie c'est du kadhib. Enfin, on va citer certains kalam et on sait نحن أنهم c'est des kuffar. لكن كما يقولون الحق ما قاله الأعداء. فأي أحيانا تتخوب عدو اهدي الحق كما قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. إبليس إلى تجهد الحق. فهؤلاء من جنود إبليس. لكن الله سبحانه وتعالى قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال أحدهم أنت كفار. قال on lit le kalam directement en français. قال la démocratie est le plus beau et le pire des gouvernements. تأمل. Et le plus beau, c'est Kalam Batel. C'est du char, fauk char. Lakin ta'am al-qawlu est le pire des gouvernements. Libada, qal, on la critique toujours. Sahih, qu'est-ce que le nazi la critique ? Qal, car la réalité vécue n'est jamais conforme à son concept. Sahih. Hada al-ans kafir, il a eu du insaf. Il sait ce qu'elle appelle cette démocratie. Il le sait, ouais, liberté, égalité, fraternité. Lakin les choses vécues, c'est pas vrai. Abedan. Tu prends le domaine de l'emploi, tu verras qu'il n'y a pas d'égalité. Tu prends le domaine de l'armement, il n'y a pas d'égalité. Kathir min al-umur. Hada al-mujrim, al-kafir, il le sait. Qala kadhalik, chacun sait, dans la sphère politique, qu'avec quelques unités au-delà des 50%, il est impossible. Soit, al-an, il sait où anna la démocratie s'est fondée sur les pourcentages. Al-an, il te dit si. Il y a une élection, il y a des élections, et maintenant, une partie, elle remporte au-dessus de 50%. On va dire, nahnou, 51%. Il reste 89%. Sur 10 millions d'habitants, on prend maintenant la population de la France, 60 millions d'habitants, ça fait 30 millions. Ça fait 30 millions. Tu fais quoi de ces 30 millions ? Qal, au-delà des 50%, il est impossible d'agir. Comme si toute la nation était derrière soi. Il est même essentiel au fonctionnement de la démocratie que la minorité soit prise en compte. Al-An, ça lui a fait un ishkal. Anna, cette démocratie, elle appelle à la majorité. Lakin, tu ne pourras pas avancer si 49% ne sont pas d'accord. Prends l'exemple, 60 millions, 30 millions, ils ne sont pas d'accord. Comment il fait ce gouverneur pour avancer avec leur soi-disant démocratie? Abedan, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. الآخر أنود كافر قال قال la démocratie est à la fois le meilleur régime, le même كلام que l'autre. La démocratie est le plus beau et le plus beau des régimes, le plus beau des gouvernements. قال la démocratie est à la fois le meilleur régime et celui qui permet le mieux de faire la guerre au nom de la paix. Oui, il le sait, l'an il sait que c'est le meilleur régime. Mais pourquoi? Il n'a pas l'islam. لأن tous les régimes الآن اللي هو إلى étudier إما الديكتاتور إما le capitalisme إما فالle meilleur pour lui c'est la démocratie لكن avec ça il y a des méfaits il va les citer أما نحن لا le meilleur des régimes c'est l'islam قال الله قال الرسول c'est الشريعة قال المجرم et celui qui permet le mieux de faire la guerre au nom de la paix صحيح si tu médites la démocratie c'est le seul régime t'as le droit de faire la guerre aux autres maintenant نحن on veut faire le djihad. On dit on va essayer de libérer ce peuple opprimé par le kufr ou le dhalal. On dit on va essayer de leur imposer l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est des djihadistes. C'est des fondamentalistes. Et ils vont commencer. La démocratie c'est la même chose. Ils veulent imposer leur idée. Alors que nous on impose l'idée à l'islam c'est haq. Eux ils imposent leur bâton là qu'ils ont le droit. Ils ont colonisé des peuples, ils ont fait du mal à des peuples. Au nom de la démocratie, il a le droit. Pourtant c'est une guerre, il y a des milliers de morts. قال de tuer ah la démocratie c'est le meilleur moyen de tuer au nom des droits de l'homme صحيح انت مثلا si tu tues une personne بغير حق خاصة إذا كان مسلم ils vont dire c'est un criminel c'est un terroriste هم لا ولو يا comme ils appellent ça des dégâts collatéraux c'est au nom de la démocratie c'est pour les libérer il faut qu'ils patientent قال de conquérir des pays au nom des peuples à disposer d'eux-mêmes alors que ce peuple s'il a choisi autre que la démocratie il a le droit il a choisi un autre régime ils sont d'accord comme à la fin il semble impossible de démontrer aux citoyens d'un régime démocratique que leur pays peut dans telle ou telle situation incarner le mal et ça c'est ma'rouf va montrer un kafir tu lui dis la France ou les États-Unis c'est un système de dictature ou c'est du mal ils croient que le bien c'est eux et le mal c'est les autres ah ça c'est marouf les démocrates ils ont un cadre ils croient que eux c'est le bien si tu les contredis t'es mauvais alors qu'ils appellent à l'égalité alors qu'ils appellent à la liberté d'opinion c'est des cadres ah, dans telle ou telle situation incarner le mal les citoyens vivant en démocratie ne parviennent pas à être soupçonnés de leurs dirigeants vous avez remarqué là Anna, ceux qui vivent dans des démocraties en France, en Europe, leurs gouverneurs, même, ils les détestent. Lakin, il ne faut pas se révolter, il ne faut pas. Toujours, ils leur trouvent des excuses. Au pire des cas, ils revotent la prochaine fois et ils le changent. Amma bilad muslimin, là, c'est des dictateurs, il faut les changer d'aïman. Ils s'oublient eux-mêmes, al-mujrimoun. Voilà, les citoyens vivant en démocratie ne parviennent pas à être soupçonnés de leurs dirigeants. Ils sont de candides consommateurs qui ne peuvent pas admettre que la démocratie puisse leur faire du mal. Ça y est, c'est des consommateurs, comme ils les appelaient. Maintenant, ils les ont mis bien à niveau de dunya. De temps en temps, ils répondent à une de leurs causes. Ah, mais le reste, ils n'ont jamais de réponse. Vous avez remarqué dans les campagnes électorales, il y a toujours 20 propositions. Rupama, il en applique une. Ah, mais c'est des consommateurs, ils oublient. Ashab hawa, ashab dunya. Qui ne peut pas admettre que la démocratie puisse faire le mal, car si elle le faisait, il ne vivrait plus dans cette démocratie. Il a affaire. S'il admet, s'il admet, comme nous, on a prouvé, il y en a la démocratie, c'est du mal, comment il va faire? Imma, il se convertit à l'islam. Imma, il est obligé de trouver une autre chose pour sortir de ce mal. Et ça leur suffit. Ils aiment bien ce dalal. Masallah subhanahu wa ta'ala, yakfina, sharrahum. Thumma qal. Car si elle le faisait, elle est partie du mal, ils ne vivraient plus dans cette démocratie immaculée qu'on leur vend. À force de leur répéter qu'ils vivent en démocratie, on leur a ôté l'appareil critique qui leur permettrait de voir les limites de cette affirmation. Aïe, que la démocratie c'est du sang. Ça y est, il est nuit et jour dans les médias. La démocratie. Ils ont cette image, s'il est à la djihad. Ils ne voient pas le mal. Et ils font tout pour pas que tu la critiques. Al-An, ces paroles qu'on a citées des kuffars, tu crois qu'elles sont propagées? Abatan. Ils font tout pour les bloquer. Et les médias, comme à ils sont manipulés par Ha'ola al-Kuffar. Ils leur font croire ce qu'ils veulent. Al-An, eux, ils ont une image. On a la démocratie, c'est la liberté, c'est l'égalité. Et le reste, c'est des dictatures. Il m'a des dictatures islamistes, comme ils appellent ça. Il m'a des dictatures des capitalistes, des communistes, des... وهذه الأمور. Sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuhal muslim, la taghtar. La taghtar. Nahnou, t'as cité ces kalams pour te montrer à ta hatta min al-kuffar. Il te montre que cette démocratie, c'est du char. Anta, t'es un muslim. Anta, t'es un din. Anta, t'es pas comme Haoula al-Kuffar, il a critiqué Hatta ses kafirs, on a lu leurs paroles. Lui-même, il n'a pas le choix, il suit. L'inquiète, il a vu. Il a eu un peu de adl. Amma anta la. Anta t'es une sharia. Qala Allah, qala Rasul. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Économique, politique, dans l'adoration, dans tout. T'as un kitab et une sunna. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا غاسبي با سيت نعمة أيها المسلم غاسبي با سيت نعمة هؤلاء tu sais d'où elle vient leur démocratie. Ils étaient comme des animaux, ils s'entretuaient, ils s'entretuaient, ils étaient opprimés par leur gouverneur. Ils n'ont pas su comment faire, ils ont inventé cette démocratie. أما أنت لا تعلى خير et في خير. قال عز وجل وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنت تن شريعة من الأمر elle est واضحة. Suis-la. Écarte-toi des passions. Écarte-toi des passions de هؤلاء. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن تمسسكم حسنة تسؤهم. تأمل. Si une hasana elle touche la communauté musulmane, la communauté des muslimites, tassouhum. Wallahi, tu trouves le kuffar, ils sont en deuil. Prends l'exemple, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné au pays des musulmans du pétrole. Min Allah, tu trouves la plupart du pétrole, il est dans les pays musulmans. Tu crois que ça leur a fait plaisir? Abadan. Abadan. Une hasana, c'est dunya, faqat. Ma baluk le Qur'an, le sunnah, ma baluk le hijab. Tout ça, ils détestent. قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Comment ces libérateurs avec la démocratie, ils vont t'emmener ce bien. Une hasana, ils n'aiment pas qu'elle nous touche. Une sayya, si elle nous touche, matalan, les musulmans, ils ont été prouvés par ces révolutions, yafrahu biha. Wallah, ils font la fête. Ils voient les musulmans, ils se mangent entre eux. قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Elle est là la solution. وإن تصبروا اصبر. Patiente avec le gouverneur. Patiente avec la pauvreté. Patiente avec l'injustice. Mais là tu conseilles, ça ne te fera aucun mal. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Wallahi, si tu patientes et t'es à la taqwa, leur démocratie et leur harb qu'ils font aux musulmans, ou le makr, les ruses, wallahi, elles ne te feront aucun mal. لأن الله سبحانه وتعالى بما يعملون محيط. Allah sait très bien ce qu'ils font. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرون. Et tout ça, akhi, avant les regrets. Nahnou, si tout ça, ayyuhal muslim, la'alla, ça te fait réfléchir. Avant que tu meurs, لأن si tu meurs, et t'as cette aqida de démocrate, wal'iyadu billah, ben ça peut être très grave pour toi. Khassatan si on t'a montré le haqq. قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انتبه tu sois pas de هؤلاء. Accroche-toi au Coran et à la sunna. عض عليها بالنواجد كما قال عليه الصلاة والسلام. Tu t'accroches, tu te cramponnes avec tes dents avant que يوم القيامة tu te mords les doigts. قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ya laytani khalas li ghudwa. Ça c'est يوم القيامة. Al-zalim, l'injuste, celui qui avait cette aqida de démocratie, il dira, il mordra ses doigts et il dira ya laytani. Pourquoi je suivais autre que le Rasoul? Est-ce que dunya les a ila ya akhi? Qul mata'u ad-dunya qalil. Asbir. Asbir, t'as cette ni'ma anta. Je suis pas les Yahoud ou les Nassara. Ils sont fait halak, ils sont fait dhalal mubin. Amma anta t'as cette ni'ma. قال عز وجل قال يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثم les regrets, ils se mordent les doigts, ils regrettent de ne pas avoir suivi le Rasoul et en même temps ils regrettent pourquoi j'ai suivi Fulan. Cette personne qui t'appelait à la démocratie, cette personne qui t'appelait au kof, il ne te sera d'aucune utilité. Il est fini là. Il est fini là. فأنت الآن tu vas aller où? يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني أو يا نعم ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر. شوف الآن اللي غدر. لقد أضلني عن الذكر. إما إيقاغي الذكر. الذكر سي القرآن والسنة. إما إيقاغي avec ses أفكار. on est libre, on est égaux, la démocratie. يوم القيامة أنت devant Allah سبحانه وتعالى. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إجاني. الآن الحجة قامت. C'est pour ça que cette personne il est في النار. لأن الحجة قامت. Le Coran et le Sunna, les gens lui ont montré taqillah. Fais attention à cette démocratie. Voilà. Là, là, ils ont raison. الآن يوم القيامة le ذكر était venu. قال لقد جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا الخذلان c'est qu'il promet des choses à tout moment il te laisse. الآن il est où الشيطان il est où جنود ils sont جنود إبليس ils sont في النار et أنت tu te fais avoir tu te mords les doigts et tu peux plus revenir أبدا c'est fini دار العمل اتقوا الله أيها المسلمون faites attention à vos enfants. Tu crois que tes enfants, hein, que tu t'envoies à cette école république, à cette école laïque, tu crois qu'ils leur apprennent quoi? Tu crois qu'ils leur apprennent quoi? Illa hadhihi al-afkar. Peut-être ton enfant, il sort sans vaya. Entabihou, les parents, kadhalik. Tu vois, beaucoup de pères de famille, ils sont devant le journal télévisé, toute la journée, la démocratie, la démocratie. Il ne sait même plus où il veut dire quoi ce mot. Lakin le fikr peut rentrer dans son cœur. Fayadil wa yazir. Fa ayyuha al-muslimoun, faites attention à ce fikr. Chacun on s'entraide, on montre les méfaits de cette démocratie, on montre les méfaits de la laïcité, on montre les méfaits des koufars sur les musulmans. Asa Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'. Wa sadaqa al-imam al-wadi'i rahimahullah. Isma' un kalam d'un imam de la sunna. Qala rahimahullah inna al-demokratiya taht aqdamina. Cheikh Moukbel il disait hakada fauq al-mimbar. Wala yuwali. إن الديمقراطية تحت أقدامنا السلوبي قال رحمه الله وقد أغنانا الله بهذا الدين سسال قناعة سسال قناعة بوكوا الله إلى إلبي ستهم إلى إلبي ست دعوة إلا من الديمقراطية سسبي إلى دين ونكسبت هذا الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ويحفظنا وإخواننا المسلمين من هذه الأفكار الخبيثة الهدامة ونسأله عز وجل السلامة والعافية في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.